3, 2, 1. Bonjour à tous et bienvenue dans On s'écoute ça tout de suite. Nous sommes en direct pour une fois. Ouais. Salut Internet. Je suis avec Noé. Salut à tous. Comment ça va Noé ? Eh ben ça va très bien et toi Vincent ? Alors juste pour resituer les auditeurs, nous sommes en plein marathon Le Comptoir. Nous sommes en live sur comptoirlive.ortegeek.fr. Nous sommes sur le hashtag Comptoir Live sur Twitter si vous voulez nous suivre. Il y a le chat avec nous aussi, il y a Laurent Doucet, il y a Trump, il y a Cobel, il y a plein de monde, on va pouvoir discuter. Et aujourd'hui, Noé, quel est le sujet du jour ? Eh bah, ben, ça va être un sujet libre de droit, ça va être les mashups. Ah, libre de droit, pas forcément, mais bon, bref. Le mashup, c'est quoi, Noé ? Alors, le mashup, c'est un mélange, en fait, souvent, la plupart du temps, c'est la piste son d'un morceau avec la piste voix d'un autre morceau. Des match-ups d'ailleurs pour les films aussi, ouais, où ils mélangent les images et voilà. Et là, ça va être les match-ups musicaux. Il n'y a pas beaucoup de trucs à dire, mais il y a quand même des trucs super cool. Nous sommes en live, je l'ai déjà dit. Et aussi, nous n'allons pas annoncer le nom des match-ups. Le petit jeu pour le chat, ce sera de deviner quels sont les morceaux qui constituent voilà, le match-up. Vous nous donnez les deux morceaux et vous gagnez un bisou de Vincent. Et vous gagnez le pompon, voilà. Alors, en parlant de pompon, on n'est pas trop alcoolisé, Laurent Doucet, puisque c'est interactif. Oui, parce que et Laurent Doucet, il aime bien parler d'alcool, de toute façon. Je le connais. Donc nous allons pouvoir commencer. Noé, c'est toi qui vas commencer. Et bah, pas d'introduction, puisque aucun indice. Je veux juste que vous deviniez les deux premiers. Attention, ça commence avec du très très bon. I grew up on the crime side, the New York Times side. Staying alive was no job, had second hands. Moms bounced on old men, so then we moved to Shaolin land. A young youth, you're rocking the go-to, no goose. Only way I begin to G-York was drug loot. And let's start it like this, son. Rolling with this one and that one. Pulling out gats for fun. But it was just a dream for the teen who was a fiend. Started smoking wools at 16. And running up in gates and doing hits for high stakes. Making my way off fire escapes. No question I was speed for cracks and weed. The combination made my eyes bleed. No question, I will flow off and try to get the dough off. Sticking up right boys on board court. My life got no better. Same damn low sweater. Times is rough and tough like leather. Figured out I went the wrong route. So I got with a sick tight click and went all out. Catching keys from cross seas. Rolling in MPVs. Every week we made 40 G's. Yo, brothers, respect mine. I ain't gonna tech now. Bow, move from the gate. Struggling, survival got me bugging, but I'm alive on arrival. I peep at the safe of the streets, stay awake to the ways of the world. Deep, a man with a dream, with plans to make cream, was fail. I went to jail at the age of 15, a young buck selling drugs and such, who never had much, trying to get a clutch on what I could not touch. Play me short now, face incarceration. Pacing, no one upstates my destination. Handcuffed in back of a bus, 40 of us. Life as a shorty shouldn't be so rough. But as the world turned, I learned life was hell. Living in the world no different from a cell. Every day I skate from takes, giving chase, selling bass. Smoking bones in the staircase. Though I don't know why I told you smoke cess. I guess that's the time when I'm not depressed. But I'm still depressed. And I ask what's it worth. Ready to give up so I seek the old earth. Who explain working hard may help you maintain. To learn to overcome the heartaches and pain. You gotta stick up kids, corrupt cops and crack rocks. Stray shots all in a block that stays hot. Leave it up to me while I be living proof. Kick the truth to the young black youth. The shorties running wild, smoking cess, drinking beer. And ain't trying to hear what I'm kicking in his ear. Neglect it for now, but yo, it got to be accepted. The what? The life is hectic. I'm still trying. can write that down. It's all too crazy. Alors j'ai vu pas mal de trucs sur le chat, j'ai vu Laurent Doucet qui nous parlait de Mick Jagger, Asto qui nous dit que c'est du Linkin Park, un peu de respect s'il te plaît Asto quand même, parce que ça c'est quand même con Asto, du haut niveau, donc non c'est pas du Mick Jagger. Alors je vais vous faire le petit texte que j'avais préparé quand même à la Philippe Manœuvre si vous voulez bien. Waouh, quand le meilleur groupe de post-hardcore rencontre le pilier du rap East Coast, ça donne un des meilleurs mash-ups de la galaxie. C'est Fugazi en fait, avec See Proves Everything Around Me qu'on vient d'entendre. C'est un mélange entre Fugazi, alors c'est ouais un groupe de post-hardcore américain. Si vous connaissez pas, je vous dis d'aller voir direct hein, leurs albums. Et le Wu-Tang Clan, qui est quand même assez culte au niveau du rap, hein, surtout du rap new-yorkais, c'est initié par Dome Tree, un collectif de rappeurs du Midwest des États-Unis, hein, pas de Laval. C'est un peu la campagne perdue des USA. Alors les chansons c'était I'm So Tired pour Fugazi et Cream Cash Rules Everything Around Me de Wu-Tang Clan. Et je sais pas pour toi Vincent, mais ça paraît tellement naturel qu'on dirait que c'est même pas un mashup. Non, je trouve que ce morceau est étonnamment fluide, tu vois, pour un mashup, je trouve que ça marche vraiment bien. Ça passe super bien, tout est ajusté comme il faut. On continue avec Oh là là, comment t'es pas... C'est du live, alors il faut qu'on retrouve nos marques. C'est les aléas du direct, excusez-moi. Non, alors, c'est juste pour vous dire que l'idée de mixer ces deux groupes, en fait, c'est venu du fait que les types de Dome Tree faisaient du skate dans les 90s et que la musique underground, à l'époque, ben, c'était ces deux groupes-là. Et quand tu skatais, t'écoutais du Fugazi et t'écoutais du Wu-Tang Clan. Et après avoir entendu le Grey Album de Danger Mouse, dont on va reparler juste tout à l'heure, et ben bingo, ils se sont dit, hop, on va faire ça. Si ça vous a plu, vous pouvez retrouver ça gratos sur internet, et ça vaut le coup. Il y a tout un album qui s'appelle 13 Chambers. 13 Chambers, un mélange entre 13 Songs de Fugazi et 36 Chambers. Je suis en train de réviser complètement mes chiffres en anglais. De Wu-Tang Clan. Voilà, merci beaucoup. Allez, on continue avec un mashup. Je ne dis toujours pas les morceaux qui constituent ce mashup. C'est à vous de le deviner. C'est très facile. Je pense que c'est très facile. Je crois que Vincent, tout le monde sait qu'on est en couple. Hein. Merci Laurent. On s'écoute ça tout de suite. Thank you. Un mashup que je trouve vraiment vraiment bon, hein, ça colle vraiment bien. C'est peut-être un de mes préférés au niveau des mashups, c'est Gorillaz et le morceau Tomorrow Comes Today. Et donc c'est tiré du premier album de Gorillaz, si je me trompe pas. Et un morceau de 1989, Lullaby de The Cure. Hein. C'était pas Depeche Mode. De l'album Disintegration. C'est d'ailleurs dans South Park, Kyle le dit, hein, c'est le meilleur album qui ait jamais existé, hein, cet album de Cure. Je sais pas, c'est vrai. Alors The Cure, on en parle plus tellement, hein, quelques rééditions ces dernières années. Bah, voilà. Ils ont fait des concerts. Ouais, Robert Smith, 2014, Robert ils font Smith, des têtes d'affiche encore. Hein. Robert Smith, il est encore un petit peu actif, hein. C'est le seul membre d'origine, hein. Il a fait des collaborations, quelques collaborations. Surtout période 39-45, ouais, là, il a pas mal collaboré. Attention à ce genre de blague, attention. Excusez, ouais. Mais voilà, bon, et aussi Gorillaz, un groupe fictif qui, je le rappelle, est porté par Damon Albarn et Jamie Hewlett, un groupe qui marche bien, 5 albums à leur actif. Une série aussi animée, j'ai découvert ça, il y a une série animée Gorillaz qui va bientôt apparaître. Ah, ils et ont justement, tout le concept. J'aimerais qu'on s'arrête quelques secondes sur Gorillaz, et ça va être... nous avons aussi un public qui râne, qui va pouvoir peut-être intervenir. Ils sont en plein dans l'actu en ce moment, Gorillaz. Hein. Ouais. Ils sont revenus avec un morceau anti-Trump au lendemain de son investiture. Hein. C'était Alléluia Money. Depuis un mois ou deux, ils dévoilent petit à petit leurs morceaux. Et c'est la semaine dernière, je crois, est sorti leur tout dernier album, Humans. Le dernier album, c'était en 2010. C'était The Fall, je crois. Et moi, je vais te dire vite fait mon avis. 20-25 morceaux. Assez perplexe. J'ai pas tout écouté. Hein. J'accroche pas vraiment. Je trouve ça assez bordélique. Il y a quelques trucs qui viennent sauver l'album. Saturn Bars, que j'ai bien aimé, ce morceau-là. Ah, moi, c'est celui que j'ai le moins aimé. Ah, je sais pas, je l'ai trouvé pas trop mal. Voilà, et hormis ça, en fait, il y a beaucoup de featuring, beaucoup de collaborations, beaucoup plus que sur les derniers albums. Et voilà, et j'ai regardé les critiques, elles sont pas vraiment tendres. Ils parlent d'un album raté, toi, très vite, t'en as pensé quoi ? Bah, moi, je pense que c'est surtout le nom de l'album qui en dit tout quoi, sur, qui explique surtout le nombre de collaborations. Ouais. Dans l'album, parce que enfin ils ont voulu faire un peu la diversité dans. Est-ce qu'ils font pas un petit peu à la Dr. Dre, vous savez, ils font sortent des albums avec que des featuring. Ils font un truc politiquement correct, j'ai l'impression. Voilà, mais ça nous empêche pas de toute façon d'écouter. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? Vincent dit du mal de Damon Albarn. Mais oui, mais voilà, il faut savoir être critique, Laurent Doucet. Hein. Et donc justement, ça. Et Azertov dit deux petits points. Deux petits points, c'est encore plus pertinent que ce qu'a dit Laurent Doucet. voilà, donc ça nous empêche pas quand même d'apprécier ce sympathique. Non, surtout, mashup, surtout les remix du nouvel album. Voilà. La suite, Noé. La suite, on reste là, on était un peu dans le rock, un peu la quintessence du rock anglo-saxon quand même, parce oui, que The Cure et Damon Albarn, c'est un peu des monuments là-bas. Moi, je vous propose de rester dans le rap, parce que le rap, ça se prête quand même pas mal au mashup, et je ne vous en dis pas plus. À dans 3 minutes. Back to our regular schedule program. Just feel right here, quick. It's like it's supposed to happen, this one right here. Yo! God damn. Let me just find my thug on this one right here. Feel me. It goes 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 11 o'clock, 12 o'clock, the party about to pop in. Rockefeller, it's your boy, yes, Dot, and I ain't never been in jail. I ain't never pay a nigga to do no dirt for me. I was scared to do myself. I will never tell, even if it means sitting in a cell. I ain't never ran, never will. I ain't never been smacked. A nigga better keep his hands to himself or get clapped for what's under that man's belt. I never ask for nothing, I don't demand it myself. Honesty, loyalty, friends, and then wealth. Death before dishonor, and I tell you what else. I tighten my belt for I beg for help. Foolish pride is what held me together through the years I wasn't felt, which is why I ain't never played myself. I just play the hand I'm dealt. I can't say I've never knelt before God and asked for better cause. Sometimes I know a bell, but I never sat back feeling sorry for myself. If you don't give me heaven, I raise hell. Just to find it's heaven. My hug, my hug, my hug. Yeah. shoot my dog, I'ma kill your cat. Just the unwritten laws in rap. Know that for every action is a reaction. Don't have me relaxing, relaxing's what I'm about. But about mine, don't be acting like you can't see street action. Take me back to reasonable doubt time. You see my mind's on the finish line, facing the wreck. I put my motherfucking faith in the tech. Tell Satan not yet, you understand I'm chasing my breath. I am narrowly escaping my death. Oh yes, I am the Michael Schumacher of the rock roster, traveling Mach 5, barreling my power can stop God. God forgive me, but I can't let them deliver me to you until I won this race, and eventually my engine gon' burn out. I get whatever is meant for me, however it turns out fine. Just red line. My hug, my hug. They say an eye for an eye, we both lose our sight. And two wrongs don't make a right. But when you've been wrong and you know all along that it's just one life, at what point does one fight? But you knock the ball, try to put your dogs in it. 10 and a half, for a minute and a half. Bet that stops all the grinning and the laughs. When you play the game of life and the winning in the bag. When your options is none and the pen is all you have. Or the block, niggas standing tight as lemons on the app. Try to cop a shot, call yourself cleansing in the cash. But can't put their name on paper cause then you on blast. Mr. President, it's drugs in our residence. Tell me what you want me to do, come break bread with us. Mr. Governor, I swear there's a cover up. Every other corner there's a liquor store. Fuck us up. L'album qui a donc influencé Wugazi, le Grey Album. Alors dans le chat, on nous a dit du Madonna, Justify My Love. Et en fait, non, c'est pas du tout ça. C'est les Beatles et... Oui, c'était une chanson des Beatles. J'ai même pas noté le nom de cette chanson. Bah alors, t'as mal fait ton travail. Non, mais c'est sur le White Album. En fait, c'est ça qui est sympa. Et du coup, pour le rappeur, Vincent... Oh, je sais pas. C'était Jay-Z, le mari de Beyoncé. Donc qui avait sorti le Black Album au début des années 2000, et en fait le DJ en question a mixé le White Album des Beatles et le Black Album de Jay-Z, en fait piste par piste, pour en faire le Grey Album. Et oui, c'est pas con du tout. Alors c'est vraiment un classique parmi les mashups, il est aussi dispo gratuitement chez archive.org, donc foncez dessus. Le son sature pas mal, mais en fait c'est fait exprès. Moi je trouve que du coup c'est vraiment un peu légèreté, mais ça fait son petit charme. Je vous aurais bien proposé d'écouter les deux morceaux de base en fait, mais c'est un peu galère puisque écouter Jay-Z, ben faut aller sur Tidal ou Dailymotion, et je sais pas trop ce que je préfère entre les deux. Blague à part, Jay-Z il avait aussi sorti un mashup, je sais pas si vous vous en souvenez, c'était Numb encore avec Linkin Park. Exactement, ouais. C'était un featuring, mais en fait ça ressemblait complètement à un mashup. Gros succès à l'époque, hein. Et franchement c'était vraiment les deux originales mixées ensemble. Je sais même pas si Linkin Park et Jay-Z s'étaient vus pour l'enregistrement, ou alors si c'est juste un DJ qui a fait le taf tout seul. Bon, après ça leur a valu quand même un Grammy Awards en 2006, comme quoi le mashup a de l'avenir, hein, puisqu'on parle d'avenir quand on parle de 2006. Pas grand chose à dire dessus, à part que franchement c'était quand même bien cool, Jay-Z et Linkin Park. Avant de prendre la suite, dites-nous sur le chat si le son est assez fort, on a fait quelques petits réglages, dites-le nous. Et je prends la suite dans un registre radicalement différent, je vous laisse deviner ce que c'est. Moi je trouve ça cool. Et je rappelle qu'on est en live sur comptoirlive.ortegeek.fr et sur le hashtag comptoirlive, hein, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors ce qui est marrant avec ce mashup, c'est que alors quand j'ai vu le titre de la vidéo, c'était Adèle versus Survivor, je me suis dit non mais ça va être nul, déjà j'aime pas trop les deux, j'étais un peu en bourgeoisie, tu vois, mais ça va être nul, c'est tout. Nul. Et au final j'ai eu tort parce que en fait c'est un mashup réalisé par Ryan Nellis et j'ai trouvé ça vachement sympa. Et bon après et ben ce qui est chiant aussi du coup je me suis rendu compte en préparant cette émission, c'est que on a un mashup cool mais on a rien à dire derrière. Et oui, et bah du coup qu'est-ce que j'ai fait, bah pourquoi on ferait pas un petit point historique sur l'histoire du mashup, hein? Oh mais tu es tellement intelligent Vincent. T'as vu un petit tu es tellement fort faut pour, être un peu pour meubler que tu pourrais bosser chez IKEA. Et donc on pourrait dire que en fait la pratique du mashup elle s'inscrit un peu dans la mouvance toute cette mode du recyclage musical qu'il y a eu un peu dans les années fin 70, 80, tout ce qui est... on peut même remonter beaucoup plus loin. L'arrivée du rap et tout. Le sampling avec qui était pas mal utilisé par la suite avec des instrus hip-hop. Et il y avait aussi pratique dans les nightclubs dans les années 80 à peu près. C'était la pratique du pot pourri, le medley. En fait, ils empilaient plein de morceaux d'artistes. Et si ça sonnait pas bien, tant pis. Si ça sonnait bien, bah, c'était cool. Voilà, c'était les années 80, on peut pas leur en vouloir. Hein. Ouais, à l'époque, voilà. On avait des trucs fluo, mais maintenant aussi. Ah, ouais. Et donc, dans les années 80, ça a pas mal regagné en popularité. Dans les années 2000, ça a pas mal regagné en popularité avec Soulwax. Vous devez connaître Soulwax. Soulwax. Tu connais, ouais. On aurait pu en diffuser d'ailleurs, je pense, mais voilà, c'était les frangins. On aurait pu, voilà. C'est les frangins belges de Soulwax, hein, qui ont fait Too Many DJs par la suite. Voilà, et il y a aussi pas mal de petites Kieran, t'as un petit truc à dire sur Soulwax? Ouais, Soulwax qui passe le 2-3-4 juin au festival Papillon de Nuit à Rennes. Oh bah c'est dans l'actu. Voilà, et après il y a pas mal de petites communautés d'artistes qui ont continué à faire vivre le mashup, c'est les petits artisans du et mashup. Bah justement comme ça, c'est ça, ouais, c'est ce qui va beaucoup ressortir dans ce podcast, mais beaucoup de mashups sont disponibles gratos sur internet. Exactement. C'est un peu comme on dit déjà, common license. Ouais, c'est ça. Oui, tu me passes ok. Je te prête volontiers ma main. Allez, promis, c'est mon dernier, mais c'est encore du rap, parce que moi j'aime bien le rap. Moi, t'es quelqu'un qui aime le rap. Moi j'aime le rap. Et du coup, tout de suite un mashup de rap. Music for the people. In a world gone mad, it's hard to think right. So much violence, hate, and spite. Murder going on all day and night. Team time to fight the non-violent fight. Yeah, yeah, yeah. One, two, three. Mirrors, smoke, screams, and lies. It's not the politicians, but the actions I despise. Use it on to kick it like back in the day. With the cocaine and kabasier. You build more bombs as you get more bold. As your midlife crisis war unfolds. All you wanna do is take control. Put that access to evil bullshit on hold. Now, citizen rule number 2080. Politicians are shady. So people watch your back cause I think they smoke crack. I don't doubt it, look at how they act. In a world going mad, it's hard to think right. So much violence, hate, and spite. Really going on all day and night. Three times we fight the non-violent fight. First of all, tear now, war in Iraq. We're reaching a point where we can't turn back. Or let's lose the guns, or let's lose the bombs. Or stop the corporate contributions that they'll build upon. Well, I'll be sleeping on your speeches till I start to snore. Cause I won't carry guns for an oil war. A salam, ooh, alaikum salam. Peace to the Middle East, peace to Islam. Now don't get us wrong, cause we love America. But that's no reason to get hysterica. They're laying on the syrup fist. We ain't waffles, we ain't having it. In a world going mad, it's hard to think right. So much violence, hate, and spite. Murder going on all day and night. Two times we fight the non-violent fight. You're screwed it up. You stupid idiot. Didn't you? Now how many people must get killed? For oil families, pockets to get filled. How many oil families get killed? Not a damn one, so what's the deal? It's time to lead the way and de-escalate. Lose the weapons of mass destruction and the hate. Say ooh, ah, what the White House doing? Oh no! Say what they got brewing. Well, I'm not pro-Bush and I'm not pro-Saddam. We need these fools to remain calm. George Bush, you're looking like Zoolander. Trying to play tough for the camera, camera. What am I on crazy pills? We gotta stop it. Get your hands out my grandma's pockets. We need healthcare more than going to war. You think it's democracy they're fighting for? In a world going mad, it's hard to think right. So much violence, hate, and spite. Murder going on all day and night. Three times we fight the non-violent fight. In a world going mad, it's hard to think right. So much violence, hate, and spite. Murder going on all day and night. Three times we fight the non-violent fight. Ok, bienvenue, le temps que je reprenne ma fiche, quoi de mieux qu'un remix des Beatles et de Jay-Z, un remix des Beatles avec les Beastie Boys. Des Beastles, du coup, en fait, c'est un projet qui s'appelle les Beastles et qui a été initié par DJ BC, encore un spécialiste du mashup. Le mec a carrément, attention, hein, mixé du Kanye West avec du Philip Glass. Donc c'est quand même un niveau assez élevé. En 2012, un deuxième album des Beastles est sorti. Il s'appelle Heal Submarine, hein, licence to Heal des Beastie Boys. Et Yellow Submarine qui mérite le détour. Donc Laurent Doucet qui nous disait dans le chat il continue à tourner les Beastie. Bah non, puisque du coup Adam Yoch est mort. Il est mort, ouais. Et du coup c'est chiant, sur Adam Yoch, c'est dommage. Et les Beatles, ils continuent. Ils ont arrêté de tourner, hein, je crois. Hein. Les Beatles, je après, pense. Que... Après la tournée d'adieu l'année dernière, ils ont fait comme en PMU, ils ont fait un 2 sur 4. Quoi. Je crois que c'est fini. Vu que j'ai que dalle à dire là-dessus, je vous propose d'aller voir un petit tour du côté des mentions honorables. Ouais, et ça commence tout de suite avec le groupe préféré de Clara, qu'on embrasse d'ailleurs, qui n'a pas l'air de nous écouter, mais on l'embrasse très fort. Et les Killers, rassurez-vous, c'est la voix des Killers qui prime. Ouais, Ouais, c'était super, c'était violent. C'était super, Noé, c'était violent. Et à toi, Vincent. Non, à toi. Ok, à moi, Noé. À toi, Noé. À moi, Noé. Je vous propose un mashup qui est en fait un peu chiant sur la durée, mais qui pendant 10 secondes envoie quand même du gros, gros, gros lourd. C'est Nirvana avec les Daft Punk. On continue avec un mashup qui fait beaucoup parler, qui a beaucoup fait parler de lui dans les sphères du LOL d'internet, hein, comme on dit. Mashup superstar qui nous gratifie d'un joli combo Michel Berger et Snoop Dogg Dr. Dre. Et ensuite, on termine avec un mashup un peu brouillon. Alors, il y a du Néné Chéri, il y a du The Ting Tings, il y a David Bowie et Nirvana. C'est un beau bordel. Et voilà pour les mentions honorables. On continue, mon cher Noé, on continue, si ça te dit. Et un mashup assez simple. Vous ne devriez pas avoir de mal à trouver. Allez, à vous de jouer. Puppet on a string, Tracy Island, time traveling, diamond could have shaped heartaches. I come to find you for in some velvet morning, years too late. She's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space. In my mind, when she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And sad is trying to say is I need the deep end, keep imagining meeting, wished away entire lifetimes unfair. We're not somewhere misbehaving for days, great escape, lost track of time and space. She's a silver lining climbing on my desire, and I go crazy cause here isn't where I wanna be. And sad is and I can't help myself, all I wanna hear the same. need to be myself. Un duel entre deux mastodontes. D'un côté, on ne présente plus Wonderwall d'Oasis et d'un autre côté, Are You Mine, hein, des Arctic Monkeys. Un mashup que je trouve vraiment bien, alors que j'aime pas Wonderwall hein, de base. Voilà. Après, de toute façon, des mashups avec Wonderwall, t'en trouves des pelletés, tu trouves que ça. Mais... C'est vrai, c'est la chanson random. Alors, concernant Oasis et Wonderwall, il y a eu un mashup très célèbre en 2004, dont Laurent Doucet nous en parlait sur le chat, ça s'appelait Boulevard of Broken Song, il me semble. C'était un mashup entre Green Day, Oasis, Aerosmith et Travis, hein. C'était celui-ci. C'est fort, c'est très fort. On entend que deux morceaux sur quatre, mais il y en a plus, hein, je vous rassure. Alors donc déjà, mashup Oasis Green Day, le mec il prend pas trop de risques parce que c'est un petit peu des valeurs sûres du mashup, hein, tu vois. Et aussi, ce mashup c'était un hommage à toutes les personnes décédées lors des attaques du 11 septembre 2001. Et le morceau il avait été lâché quelque part sur internet en MP3 comme ça, et les radios sont tombées dessus, et il n'y a pas eu de sortie officielle pourtant, et le morceau s'est retrouvé en hit sur plein de radios aux USA, et ça a plutôt bien marché. Et du côté des Arctic Monkeys, c'était le mashup Childish Gambino et Arctic Monkeys qui a eu son petit succès en début d'année, c'était en février il me semble, je vous laisse écouter. Hein. Alors, un mashup qui ressemble au final à n'importe quelle chanson des derniers Arctic Monkeys, hein, mais bon, ça c'est un peu méchant ce que je suis en train de dire. Voilà. Oh, Vincent, du calme. Je m'excite là, n'importe quoi. Voilà, les Arctic Monkeys, eux, ils auraient repris le chemin des studios d'ailleurs. Ils sont en train de. Apparemment, il y a un nouvel EP qui se traîne, voilà. Et Charlie Gambino, lui, il va avoir bien assez de travail dans les mois à venir pour endosser le rôle de Lando Calrissian dans Star Wars. Ah, et oui, justement, c'est... voilà. C'est vrai que c'est lui. Et ben bah, on va continuer sur la culture geek avec ce prochain mashup. Hey, t'es un geek, fais ton geek. Hey, le geek, salut le geek, ça geek. Prochain mashup, Vincent. Tonight C'était lent. Franchement, même quand on n'est pas un fan des Foo Fighters, parce que oui, c'était une chanson des Foo Fighters, ce Everlink, puisque c'est le nom de la chanson, Everlink, c'est quand même la classe, l'original, donc c'est Everdong, évidemment un gros tube de la bande de ce David Sandalette et Dave Grohl hein, en américain, et bien sûr ce petit gidou, ce petit bijou qui est le thème de Zelda, ce petit gidou. C'est un petit gidou. Petit gidou ah, mais ça, c'est le petit gidou. Voilà l'OST de Zelda The Wind Waker qu'on ne présente plus. Un jeu génial. Même si ça avait pas mal déçu de personnes quand il est sorti, je me souviens les graphismes ouais. un peu cartoon. Voilà un jeu incroyable. Apparemment, le dernier Zelda est fou aussi. Oui. Mais moi, je lis presque un dieu parce que je ne veux pas me faire spoiler. Alors, c'est qu'on n'aurait pas grand chose à dire sur le morceau. Ok, non, c'est bon. On sait que ce match-up a été mixé par Jerst. Il a un petit site internet d'ailleurs super sympathique. Avec plein de compos à lui, gratuites et de mash-up qu'il a réalisé, comme celui-ci par exemple. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être? C'est Dragon Force. Kieran et? Et je sais pas. Et Hotel California des Eagles, mais voilà exactement. D'ailleurs, les joueurs de anecdote, Guitar Hero. Hotel California, les Eagles ont attaqué un hôtel en Californie qui s'appelait l'Hotel California parce qu'ils les accusaient de reprendre la popularité de leur chanson populaire. Alors qu'on sait bien qu'Hotel California, ça parle pas d'un hôtel, mais d'une salle de foot en gros. Voilà. Bah, exactement. Quand tu sais plus quoi faire pour te faire des tunes. Voilà. Et d'ailleurs si vous appréciez ce petit mashup là qui est quand même, je vous l'avoue, complètement dément, si vous êtes sage à la fin on peut vous le mettre en petit bonus pour terminer l'édition. Si vous le voulez hein. Si vous voulez, si vous êtes chaud dans pas le chat, pas obligé de dire oui. Ah non, il est génial ce mashup. Ouais, bah. Il est vraiment dément. Il y a aussi sur le site, donc c'est g3rst.com, il y a un petit remix de Outrun et Stayin' Alive qui vaut le détour. Bon, on continue, alors on va... Alors, nouveau mashup, mais avec un morceau des Beastie Boys qu'on a déjà entendu auparavant. Vous allez avoir deux versions, hein, deux salles, deux ambiances, comme on dit dans les discothèques. Allez, c'est parti. It's hard to think right. So much violence, hate, and spite. Swear going on all day and night. Team time to fight the non-violent fight. In a world going mad, it's hard to think right. Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? In a world going mad, it's hard to think. I despise. You and Saddam should kick it like back in the day with the cocaine and Cavassier. But you build more bombs as you get more bold as your midlife crisis war unfolds. All you wanna do is take kids on up with the access to evil bullshit on hold. Now citizen rule number 2080, politicians are shady. So people watch your back cause I think they smoke crack. I don't doubt it. First a war on terror, now war in Iraq. We're reaching a point where we can't turn back. Now let's lose the guns, or let's lose the bombs. Or stop the corporate contributions that they'll build upon. Well, I'll be sleeping on your speeches till I start to snore. Cause I won't carry guns for an oil war. As-salam, umalekum, umalekum, salam. Peace to the Middle East, peace to Islam. Now don't get us wrong, cause we love America. But that's no reason to get hysterical. They're laying on the syrup. We ain't waffles, we ain't having it. Thank you. hard to think right. Déjà, c'est le Fox. Un excellent mashup dont Thriftshop XL nous gratifie. Hein. C'est le nom de l'artiste. Il fait beaucoup de petits mashups comme ça. Vous avez bien sûr reconnu. Alors, c'est Asto, je crois, qu'il a retrouvé sur le chat. Laurent Doucet était pas loin, mais Laurent, parce qu'il veut qu'on l'appelle Laurent maintenant. Oh là là, monsieur. Asto a trouvé. C'était bien sûr Where Is My Mind des Pixies et un autre morceau des Beastie Boys que vous en avez pu entendre juste avant les mentions honorables. C'était le même que celui que tu as passé tout à l'heure. C'était In a World Gone Mad. Gone Mad. Fameux Gone Mad. Voilà, et donc là où c'est triste, c'est que, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est que quand on a des mashups, bah, on n'a pas d'infos à vous dire. Donc, on va petit. J'aimerais revenir sur les différents styles de mashups qui peuvent exister. Oh, mais tu meubles tellement bien! T'as eu un peu. Je me suis cassé la tête, j'étais sur la page Wikipédia. Alors, par exemple, il y a deux versions d'une même chanson. T'as une technique, c'est prendre deux versions d'une même chanson pour en créer une troisième. Par exemple, tu vas prendre une version balade d'un morceau et le même morceau, mais en version cover. Et t'essayes de mixer les voix. Tu peux jouer aussi sur les différentes... par exemple, Avril Lavigne, tu sais, elle a fait beaucoup de... Bon, c'est pas un exemple. Ici des balais. Elle a fait beaucoup de chansons en multilingue, version multilingue. Elle a fait en espagnol, elle a fait en japonais et tout. Et les gens jouent là-dessus pour certains mashups. Par exemple, on a aussi le glitch pop. C'était assez... assez à l'œuvre dans les années 90, début des années 90, c'était on va jouer sur les artefacts sonores, on va faire des glitches dans le son pour essayer de des petits défauts sonores pour entre deux chansons pour essayer de bah, de donner d'autres couleurs. Glitch pop, c'est tu sais les artefacts sonores. C'est quoi des artefacts sonores? Bah, c'est des défauts sonores, des comment t'expliquer des artefacts. Ah, mais je suis si curieux. Tu... Mais si tu connais, alors dans le chat, trouver une définition de artefact pour le donner à Noé. Voilà. Merci. Ce serait sympa. Il y avait aussi cette guéguerre mashup remix. Alors personnellement, j'ai pas vraiment de définition précise. Peut-être que quelqu'un autour de la table en a une. Mashup remix, Noé. Différence. Un mashup, ça va vraiment être deux pistes superposées les unes aux autres. Un remix, tu vas pouvoir jouer avec ralentir la musique, accélérer, machin. T'as beaucoup plus de liberté en fait dans un remix que dans un mashup. Toi Kieran, t'en penses quoi la petite différence? Toi qui es un peu dans le son, tu vois. Un remix, c'est vraiment prendre les racines du son original et de les remettre en dans l'ordre que tu veux et aussi de remettre ta sauce aussi par-dessus, tu vois. Et enfin, pour terminer, je dirais que c'est le genre de mashup le plus simple, entre guillemets, hein, c'est celui dont tu as parlé en début d'émission, c'est ce qu'on appelle le A versus B, le A contre B, c'est-à-dire t'as deux morceaux et généralement tu mets piste vocale avec l'instrumental de la fin. Ouais, piste vocale de la chanson A avec l'instrumental de la chanson B. Et voilà, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises et on peut continuer. Pour mon dernier mashup, je vous propose un méga best-of années collège. Bah peut-être du coup pour vous c'était peut-être pas les années collège, j'en sais rien. Mais en tout cas pour moi c'était les années collège. Il y a pas moins de 5 artistes différents présents sur ce mashup et je vous propose qu'on s'écoute ça tout de suite, parce qu'on l'a pas dit, mais on s'écoute ça tout de suite. Imagine as I'm pacing the pews in a church corridor, and I can't help but to hear, though I can't help but to hear in exchanging of words. What a beautiful wedding, what a beautiful wedding, says the bridesmaid to a waiter. Yes, but what a shame the poor groom's bride is all. I chime in with a haven't you people ever heard of, closing a damn door, no. It's much better to face these kinds of things with a sense of force and rationality. I chime in, haven't you people ever heard of, closing a damn door, no. Much better to face these kinds of things with a sense of. Well, in fact, we'll all look beautiful this way. I mean, technically our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne. Oh, well, in fact, we'll all look at it this way. I mean, technically, our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne, pour the champagne. I chime in with the haven't you people ever heard of, closing a damn door, no. It's much better to face these kinds of things with a sense of poison rationality. I chime in, haven't you people ever heard of, closing a damn door, no. It's much better to face these kinds of things with a sense of poison. With a sense of force and rationality. I chime in, haven't you people ever heard of, closing a damn door, no. It's much better to face these kinds of things with a sense of love. Mais quelle purge. Ce que je trouve génial dans ce mashup, c'est que ça commence quand même plutôt pas mal. Ouais, tu le vois, début est très bien. Ça commence, et puis au fur et à mesure, t'as de plus en plus de musiques différentes mixées entre elles, et à la fin, ça devient complètement inaudible. Mais il me fait vraiment marrer, parce que c'est vraiment genre, t'as le meilleur et le pire réunis dans un seul mashup. Alors, ça a pas mal débattu dans le chat. Je vais vous dire le nom des groupes et le nom des chansons, comme ça. Alors, juste Asto et Azertov étaient pas mal. Ouais, ils étaient bons. Eux, ils sont allés au collège peut-être en même temps que moi, ou peut-être un tout petit peu avant. On sent que c'est notre génération, pas, mais... tu vois. Alors que les autres, les vieux là, Cobal, alors. Vas-y, Jason. Et oui, Welcome to the Bien Black joué. Parade, qui est quand même une super musique, même si on n'est pas des émos, on n'est plus des émos. Vas-y, si tu peux nous dire un truc. Non, j'étais pas émo au collège, désolé. Il y avait aussi Fall Out Boy du coup, qui a été trouvé dans le chat, avec Uma Thurman, c'est le nom de la chanson, c'est pas un featuring avec Uma Thurman. Imagine Dragons qui a été trouvé au début aussi, avec Radioactive Resistance. Panic at the Disco, celui-là je l'avais pas trouvé, mais Panic at the Disco, et c'était encore Panic at the Disco avec le point d'exclamation après Panic qu'ils avaient enlevé après. Oh, merde. I Wait Sins Not Tragedies. Et il y avait aussi Muse qui a été trouvé dans le chat avec Résistance. Je vous donne quand même le titre de ce magnifique mashup si vous voulez casser les oreilles de vos amis en soirée. Il s'appelle Uma Thurman Welcome Sins to the Radioactive Resistance. Voilà. Et c'est la fin de cette émission. Ouais. Alors, merci déjà le chat d'être avec nous. Voilà, parce que ça fait plaisir. C'est notre premier live. On s'est plutôt bien démerdé, hein, sans nous jeter des fleurs, Noé. Hein, on était bon. Hein, on était meilleurs qu'en privé quand l'enregistrement. Ah oui, parce que vous nous disiez que c'était sympa le privé et ça nous fait très plaisir, mais il y a beaucoup de montage en fait. Et oui. Où est-ce qu'on nous retrouve rapidement, très rapidement, Noé? On nous retrouve tous les samedis au bar Le Balto. Je le fais à chaque fois. Vous me cherchez, je suis du côté du babyfoot, moi. Très bon babyfoot. Non, vous pouvez nous retrouver sur PodCloud. On s'écoute ça tout de suite. Lepodcast.fr. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter @onsécoute ça. Voilà. Vous pouvez nous retrouver sur aussi Facebook. Sur Facebook, facebook.com/onsécoute ça tout attaché, voilà. Sans titre et sans rien du tout. Voilà, la prochaine émission, un petit thème ? Non, on n'a pas encore... tu poses la question à chaque fin d'émission. Mais ouais, mais je sais pas, c'est petit, voilà. Et un thème sur, bien sûr, le banjo. Oui, on remercie aussi, il y avait Kieran qui était avec nous autour de la table, merci. Ouais, hein. Ouais, merci à vous. Ça t'a plu ? Ah ouais, non, mais c'était super, ouais. Ah, c'était super. Jason, il était un petit peu avec nous aussi, ça faisait plaisir. Puis il y avait Jason, écoutez ça, je vois. Il y avait une émo, il y avait Thomas, il y avait plein de monde. Il y avait Thomas, au rang des mashups improbables, mashup improbable pour terminer cette émission, je pense qu'il tient une bonne place. Hein. On va s'écouter un mashup entre 50 Cent in Da Club et la musique du menu des achats d'objets des Sims. Voilà. Énorme. C'est alors, vous avez détesté le mashup d'avant, celui-ci est encore pire. Alors, un mashup étonnant hein, qu'on va écouter tout de suite, alors que nous nous disons au revoir. Hein. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce live. Et on vous dit au revoir. Go, go, go. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's always drama in the club. Yeah. Now that I roll with Dre, everybody show me love. When you sell like Eminem, you get plenty of goofy love. Look, homie, ain't nothing changed. Pros down, G's up. I see exhibit in the cutting, man, rolling trees up. If you watch how I move, you mistake me for a player pimp. Been hit with a few shells, but now I don't walk with a limp. In the hood, in the letter, saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But holla in New York, for sure, they tell you I'm low. Then the plan is to put the rap game in a choke. So I'm fully focused, man. My money on my mind. Got a meal out the deal and I'm still on the grind. That shorty says she feelin' my style, she feelin' my flow. A girl from where did they buy and they ready to you go. You can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to fill a buzz. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to fill a buzz. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. Way more than you hate it, oh, you mad? I thought that you'd be happy, I made it. I'm that cat by the bar, toasting to the good. Like, moved out the hood, now you tryna pull me back. Right. My jaw get the pumping in the club, it's on. I'm with my eyes, your chicks, if she smash, she gone. Hit the roof on fire, man, just let it burn. If you're talking about money, homie, I ain't concerned. I'ma tell you what banks told me, cause go ahead, switch the style up. And if they hate, then let them hate them once the money pile up. Or we can go upside the head with a bottle of bull. Come on, they know where we be. You can find me in the club. Bon, à la demande de non général, on va vous mettre le mashup de Dragon Force. Bon, bah désolé pour vous. Et bien sûr, on met cette merde, c'est parti. Oh yeah! Showed me the way. There were voices down the corridor. I thought I heard them say,